Nous sommes le 14 avril 2017, vendredi, au 40 rue Alfred Duméril. 31 400, Toulouse, en France. Également sur le www.canalsud.net, sur le web. Vous pouvez néanmoins nous découvrir sur le 92.2 FM, méga. Hertz de la région toulousaine, donc sud-ouest de la France occidentale. Enfin, je veux dire, vous avez compris quoi. J'ai encore rien dit. Et à présent, toujours rien de plus que l'émission d'Invertébral. Vous êtes les malvenus. va pour le texte. 18-12-2007. Je ne sais pas quoi dire sauf que, bit cul. Je te baise. Tu. Fuck me.

Par l'éclat du soleil. Bout du tunnel. Du tunnel. Bout du. Encore et encore. Collatéral. Éclate, écoute, bordel, écoute tes écouteurs, ils résonnent dans le plastique, les ondes résonnent dans le plastique, c'est génial, j'adore, je voudrais pouvoir lécher l'idée, ah mais je peux, j'ai trouvé, j'ai des pucerons de vierge, j'avais l'hépatite C, la frappe de Yorkshire, le baiser labrador, je nique le pic, le rot, le Liberman, le berger, je baise le berger avec son bateau, et la bergère, je la laisse au lit. ça fonctionne comme ça. Pas comme ça, toi. Voilà, t'y es. T'y es. T'y restes. Have you ever seen pareil, voilà. Head against the head. And the whole fucking time of those wombats are round jacketed. Voilà, the round bucket. They're round jacketing, man. The whole goddamn damn time. The jacket. It's down. Bonfire, baby. It's coming down. Fry my bones. The whole goddamn time. Make a shish kebab out of me and halal hepatitis. Hepatitis halal, so eat me. Look at my germs. Je peux mettre ça à germer. Gerbez, please. Gerbez tous. Autant que vous êtes, gerbez-moi dessus. Suisse à l'âme, suisse mon âme, lèche-le. Mets-moi un doigt, puis deux. Plus de sensations. Dis-moi le point. Je pointe la cellule. Go on. Put your dick in me. Mire. Mirage flottant. Parallèle. Aux lignes de flottaison. Perpendiculaire à la tête. Flotte en bas, en haut. Mais pas de travers, mais de traverse. Baise-moi encore, chérie. Laisse-moi te lécher. Le cul. Encore. Là, ça m'est léché la merde. La bouffe est capule. Si vous croyez vraiment ce que vous entendez, c'est-à-dire que nous allons manger vos excréments, vous mettez le doigt dans l'œil. Messieurs, dames, c'est déjà fait. Comme ça, je suis chaste. Shit, I like it. Thank you.

fuck my lollipop, bitch. Pie whore. Too expensive, bit whore. I condemn you. I'm condemned. Cheap fucks. Oh yeah. I'm sick, I'm sure. Je suis malade, je suis sûr. Je suis sûr de moi, peut-être. Tout m'est égal. Finalement, plus en suis. Je t'en prie, mon salaire. Et au cas de mon cercle. Voir si j'y suis, et ce que je suis en train de faire. Bruit, oh du bruit, tu me transperces dans mon monde. Dieu, tu me déprimes, lâche-moi Dieu, je te baise. Lâche-moi Dieu, je te suce, Dieu, c'est bon, encore, encore. Oh, punis-moi Dieu, oh, d'où ça peut, c'est du pareil. La manière dont je veux les accorder. Mais au début, tout se passe. C'était mieux avant. Je me souviens, Dieu te baise, Dieu te baise. Leur gueule de pute, ces enfants de salauds, bisque de homard, flétris à la moelle de pu, henteurs, d'heure en heure, nous parlons tard, trop, d'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, d'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, d'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, d'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, trop, d'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, trop. D'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, trop. D'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, trop. D'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, trop. D'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, trop. D'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, trop. D'heure en heure, nous parlons, parlons trop, trop, trop. D'heure en heure, nous parlons, parlons. Baise le Z et baise la monnaie. Putain, la monnaie, courante comme la main, Baise la main ou la main, baise. Baise la main ou la main, baise. But fuck me, cause I am God Almighty. Faggots running around naked with dildos and milk concentrate bums, bum holes out their dicks with dirty scum and cum. I piss in your vagina to sterilize the bacteria and your ovaries in my mouth. Je te chie à la gueule, là. Tu me, je te chie à la gueule, là. Tu me, je te chie. Now, I'm worse than any other Harry the Otter. Stinkfeet, pussy lips, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips, clang, clang. Stinkfeet, pussy lips. Nous parlons trop. Nous parlons trop. Je te chie à la gueule. Parle trop. Je te chie à la gueule. Parle trop. Tu me, je te chie à la gueule. Parle trop. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Là. Tu me, je te chie à la gueule. Là. Tu me, je te chie à la gueule. Là. Là. Tu me. Stinkfeet, pussy lips. Think you got AIDS or something? Well, I don't give a fuck. C'est moi le patron. Alors, je te viole, et puis c'est tout. Je suis dans tous les cas. Tu comprends? Je pense te baiser. En te violentant, en te flétrissant, en te fléchissant. Tout ce que tu veux, tant que je bourre le cul de sperme, gluant et tiédas. Fuyant et tiédas, fuyant et tiédas, fuyant et tiédas. Fuyant et tiédas, fuyant et tiédas. Tu me, je te chie à la gueule, là. Fuyant et tiédas. Tu me, je te chie. Fuyant et tiédas. Tu me, je te chie à la gueule, là. Tu me, je te chie à la gueule. Fuyant et tiédas. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me, je te chie à la gueule. Tu me. Thank you. dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. On dit de la merde. Et pourquoi ce serait intéressant qu'on parle ? Mais pour que tu m'expliques comment ça marche. Et pourquoi ce serait intéressant qu'on parle ? Ce que je fais en fait, c'est que je prends le signal de l'antenne, ça marche, et je le rebalance, je prends le signal, je le rebalance à l'antenne, ça marche. Donc il y a un délai, je rebalance 5, 10, 15, je rebalance à l'antenne, ça marche. J'ai un délai, je rebalance 5, 10, 15, je rebalance à l'antenne, ça marche. J'ai un délai, je rebalance 5, 10, 15, je rebalance à l'antenne, ça marche. J'ai un délai, je rebalance. Enfin bon, qu'il faut pas dire quoi. Ah, les trucs qu'il faut pas dire. Alors, voilà, donc bah, c'est simple, faut pas parler politique. Donc on a 5-10 secondes. Non, on a rien, c'est parce que c'est déjà passé quand c'est renvoyé. Là, c'est déjà passé. Ouais, c'est déjà passé. Non, c'est pas comme si avant. Ouais, voilà, donc il faut que je te tape sur la tronche tout de suite. Bah non, faut pas me taper sur la tronche avant, c'est trop tard, mec. Ça sert à rien de me taper sur la tronche maintenant. C'est trop tard. Pour ce que tu vas dire après. Non, non, je n'ai rien à dire après, je vais me taire. Voilà. Tu me tapes sur la tronche. Donc parce que je veux te faire taire, donc c'est maintenant. Et ben voilà, c'est maintenant. Il n'y a pas besoin de me taper sur la tronche, tu me demandes et c'est tout, je me tais, tu vois. Pas besoin de me taper sur la tronche, voyons. Pas besoin de me taper sur la tronche, voyons. Pas besoin de me taper sur la tronche, voyons. Pas besoin de me taper sur la tronche, voyons. Pas besoin de me taper sur la tronche, voyons. Pas besoin de me taper sur la tronche, voyons. Pas besoin de me taper sur la tronche, voyons. Lion Exodus, c'est tout ça. Faut jamais résister pour un match de ton vie. Baise ceci. Baise-moi ça. Baise-moi ci. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance, Nuisance l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Téléphone 05 61 53 36 95.